des gitans. Les répondrait un garçon s'avance, c'est la danse des gitans. On les entend marteler, du talon la terre brûlée. Plus rien ne compte pour eux, les voilà devenus les dieux d'une race fière qui vit sans frontières, pas de maison, pas de prison, et qui vagabonde à travers le monde au gré du vent, au gré du temps. Pas de prison et qui va gagner.